Chapitre 14. De la terreur et de la pitié. Ces émotions doivent naître de la composition même de la fable plutôt que du spectacle. On peut produire le terrible et le pitoyable par le spectacle ou le tirer du fond même de l'action. Cette seconde manière est préférable à la première et marque plus de génie dans le poète. Car il faut que la fable soit tellement composée qu'en fermant les yeux, et à en juger seulement par l'oreille, on frissonne, on soit attendri sur ce qui se fait. C'est ce qu'on éprouve dans l'Édipe. Quand c'est l'effet du spectacle, l'honneur en appartient à l'ordonnateur du théâtre, plutôt qu'à l'art du poète. Mais ceux qui, par le spectacle, produisent l'effrayant au lieu du terrible, ne sont plus dans le genre. Car la tragédie ne doit point donner toutes sortes d'émotions, mais celles-là seulement qui lui sont propres. Puisque c'est par la pitié et par la terreur que le poète tragique doit produire le plaisir, il s'ensuit que ces émotions doivent sortir de l'action même. Voyons donc quelles sont les actions les plus capables de produire la terreur et la pitié. Il est nécessaire que ces actions se fassent par des personnes amies entre elles, ou ennemies, ou indifférentes. Lorsqu'un ennemi tue son ennemi, il n'y a rien qui excite la pitié, ni lorsque la chose se fait, ni lorsqu'elle est près de se faire. Il n'y a que le moment de l'action. Il en est de même des personnes indifférentes. Mais si le malheur arrive à des personnes qui s'aiment, si c'est un frère qui tue ou qui est au moment de tuer son frère, un fils son père, une mère son fils, un fils sa mère ou quelque chose de semblable, c'est alors qu'on est ému. Et c'est à quoi doivent tendre les efforts du poète. Il faut donc bien se garder de changer les fables reçues. Je veux dire qu'il faut que Clytemnestre périsse de la main d'Oreste comme Eriphile de celle d'Alcméon. C'est au poète à chercher des combinaisons heureuses pour mettre ses fables en œuvre. Or, voici quelles peuvent être ces combinaisons. Premièrement, l'action peut se faire comme chez les anciens, par des personnes qui sachent et qui connaissent. Comme Euripide lui-même l'a fait dans sa Médée, qui égorge ses enfants qu'elle connaît. Secondement, on peut achever, mais sans connaître, et reconnaître après avoir achevé, comme dans l'Édipe de Sophocle. Mais ici, le fait est hors du drame. Dans l'Alcméon d'Astydamas, ou dans l'Ulysse blessé par Télégone, il est dans le drame même. Il y a encore une troisième manière, qui est d'aller jusqu'au moment d'achever, parce qu'on ne connaît pas, et de reconnaître avant que d'achever. Il n'y en a point d'autre, car il faut achever ou ne pas achever, avec connaissance ou sans connaître. Être au moment d'achever avec connaissance et ne pas achever est la plus mauvaise de toutes les manières. La chose est odieuse sans être tragique, car il n'y a nul événement malheureux. Aussi a-t-elle été rarement employée. Il n'y en a qu'un exemple dans l'Antigone de Sophocle, où Hémon entreprend contre Cléon et n'achève point. La seconde manière est d'achever, et dans cette espèce, il est mieux d'achever sans connaître et de reconnaître après avoir achevé. L'ignorance ôte l'odieux, et la reconnaissance est infiniment touchante. Enfin, la dernière de ces manières est la meilleure. Comme dans le Cresphonte, où Mérope est au moment de frapper son fils, qu'elle ne frappe pas, parce qu'elle le reconnaît. Et dans Iphigénie, la sœur était au moment d'immoler son frère, et dans Élée, Phrixus allait livrer sa mère. Il la reconnaît. C'est par cette raison, comme on l'a dit il y a longtemps, que les tragédies sont renfermées dans un petit nombre de familles. Car ce ne fut point par l'étude de l'art, mais par hasard, que les premiers poètes trouvèrent que les fables devaient avoir pour sujet des malheurs. C'est pour cela qu'ils se sont attachés aux familles où sont arrivés les malheurs qui conviennent à leur genre. C'en est assez sur la manière de composer les actions tragiques et sur les qualités qu'elles doivent avoir.